Et pour clôturer l'aspect française de ce soir, une doublette de nouveautés, Contrefeu et Dépressive Witches. Contrefeu, tout d'abord, c'est une formation qui nous vient de Bordeaux, on est sur du post-hardcore, à limite screamo, active depuis déjà quelques années, et récemment, un EP vient de voir le jour, ça fait suite à un premier album qui a vu le jour en 2020. 5 titres chantés en français pour une douzaine de minutes, c'est plutôt expéditif, c'est très intense, et ça va forcément rappeler un groupe tel que Birds in Row, aussi bien musicalement que vocalement. Dépressive Witches, ensuite, un duo qui nous vient de Picardie, actif depuis une demi-douzaine d'années, très prolifique, hein, déjà le troisième album studio. On est sur du black, type black and roll, avec des influences assez heavy et punk, c'est ultra catchy, plutôt épique même parfois, old school, pas de prise de tête, et ça fonctionne plutôt bien, c'est pas hyper novateur, et cependant ça va pas apporter quelque chose d'aussi facile, on va dire, que les derniers albums de Midnight, voilà, parce que ça reste assez éclectique et varié dans la recherche musicale sur ce nouvel effort studio. Au niveau des morceaux choisis pour cette doublette de nouveautés, Contrefeu, une doublette, L'Ordre et Gibier le Soir, extrait de l'EP La Morsure, Dépressive Witches, Protected by Death and Sorcery, extrait album Lost, Forgotten and Earthbroken. Vous êtes les raffinés qui vous la coulez douce et donnez de grandes explications. J'ai vu brûler la rose rouge et cela signifie bien plus. Yeah. Toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Péton, les ondes du 93.6. On va s'envoyer une nouveauté avec un retour à la diff internationale. On arrive tranquillou vers la fin de l'émission de ce soir. Rust, tout d'abord, récente formation hardcore. Hardcore metal même, qui nous vient du Canada, actif depuis 2019. Et c'est un nouvel EP qui vient de voir le jour, le troisième, 5 titres pour 15 minutes. Où le groupe cherche dans ses inspirations aussi bien du côté du New York hardcore avec le groove du hardcore du Midwest. Vu comme ça, géographiquement, c'est cool. Musicalement, qu'est-ce qu'on va chercher ? Des groupes tels que Backtrack, Terror et même Hatebreed font partie des influences. C'est donc ultra patate. En doublette, on dégueule un peu. Engulfed, donc groupe de Death Brutal Death qui nous vient de Turquie, actif depuis bientôt 15 ans. C'est le deuxième album qui vient de sortir chez Dark Descent Records. Avec le Death Turk, on est tout le temps sur de la qualité non décevante. Là, c'est sur une vibe plutôt crado et bien agressive, dans la lignée d'un Dead Congregation ou les vieux Incantation. Ça sent le soufre et le pétard pendant 40 minutes, avec des psychoses bien expérimentées. Ça se renifle le cul forcément, c'est assez consanguin. Au niveau de la scène d'Istanbul. Au niveau des titres choisis, Rust, le morceau Hard Truth, extrait de l'épée True Decline. Engulf, le morceau Blasphemous Despair, extrait de l'album Unearthly Tennis of Despair. Et c'est parti. Life's Question et Exhumation, c'est la doublette à venir. Life's Question, rappelez-vous, cette formation hardcore qui nous vient de Chicago, que l'on peut rapprocher d'un slope allemand. Une signature chez Flatspot Records, juste avant celle, ils étaient du côté de chez Triple B. 6 titres pour une vingtaine de minutes d'un punk hardcore, donc très éclectique, hein, d'où la référence à Slope. C'est déroutant, assez inclassable, et cependant bien intéressant et rafraîchissant. Au niveau des influences, ça va chercher aussi bien dans les grands noms du hardcore autour de Chicago que du côté de Van Halen et même Faith No More. Ça groove, ça break, ça balance des solos. Il y a du chant clair, dont un chant féminin assuré par la guitariste de la formation. Voilà, un improbable melting pot bien efficace. Exhumation, ensuite, là on est sur du death bien frontal, bien old school et evil qui nous vient d'Indonésie. Active depuis une quinzaine d'années, la formation vient de sortir son quatrième album. Au niveau des influences, ça va chercher du côté des premiers Morbid Angel ou même des Suisses de Bolzer. Et voilà, en termes de référence hexagonale, on peut rapprocher ça d'un Necrowretch. Au niveau des morceaux choisis, Life's Question, le morceau Breath Coffin, Exhumation, Mahapralaya, extrait de l'album Masters Personae. C'est parti. Forget, lead me to paradise. Move too fast, I fly. Comme dit tout à l'heure, on se rapproche tranquillou de la clôture de l'émission Hellbanger de ce soir. On a encore de quoi s'écouter quelques petites joyeusetés cependant. Doublette suivante, Horn et Party Cannon. Ouais, parce qu'on aime beaucoup la nouvelle sortie de Party Cannon, donc on va s'envoyer un autre extrait. Horn, tout d'abord, on est sur du Black Pagan qui nous vient d'Allemagne, un one-man band actif depuis 22 ans. C'est le 10e effort studio qui vient de sortir. On est toujours sur cette recette bien efficace, hein, entre le côté intense et rugueux du black typiquement allemand et cette accroche ultra pagane. Les compos font 4-5 minutes, hein, pas trop de répétition ni de longueur. Et c'est une version un peu plus expéditive, on va dire, d'un album de Drutk, par exemple, en termes d'inspiration. Et donc Party Cannon, le groupe de Brutal Slam Death écossais, pour un second extrait dans l'émission de ce soir. Horn, Dotswarm, extrait d'album Dotsviark. Party Cannon, Not Immediately Life Threatening, extrait toujours de l'album Injuries Are Inevitable. Et c'est parti. Yeah, the most dangerous theme park of all time. The owner was like, I'm not going to hassle the kids with a bunch of rules. I'm just going to leave safety up to them. Et voilà, à notre goût, on a fait le tour des sorties marquantes actuellement, hein, mais bon, rassurez-vous, dans les semaines à venir, d'autres viendront rejoindre les programmations de l'émission semaine après semaine. Et en fait, surtout, ça nous laisse du temps pour illustrer musicalement des petits événements qui se passent pas très loin de chez nous, voire même juste à côté. On voulait notamment mettre en avant ce chouette festival, le Gatinecticut Death Fest, qui a lieu dans le 45, organisé par les frères Chaigne. Si vous êtes sur la scène metal extrême française, que vous ne connaissez pas ce duo infernal, je peux rien faire pour vous en fait, hein. C'est tout simplement les mecs qui sont derrière Brenkel, Defecal of Gerb et surtout Savage Annihilation. Max et Dave, Mike et Dave nous sortent une nouvelle édition de ce festival bien brutal. La première édition sur deux jours, ça a lieu le 7 et 8 juin dans une paire de semaines, donc du côté de Timory, hein, dans le Gâtinais. Dans le 45, c'est à une grosseur de route, grosseur et demie de route de chez nous, et c'est pas très cher, et l'affiche est ultra cool. On retrouvera notamment Basement, Torture, Killings et Severe Torture. J'ai plus l'affiche en tête exacte et précise, mais rendez-vous sur les réseaux, hein, vous le trouverez ça très facilement. Donc Basement, Torture, Killing, on va s'écouter le titre Exercising Your Dominance, extrait de l'album Lesson in Murders, c'était sorti en 2020. Severe Torture, Carnivorous Force, extrait du cultissime Misanthropic Carnage. On aura l'occasion d'en se réécouter très bientôt du Severe Torture, vu que le nouvel album est enfin bientôt démoulé. Donc voilà, cette doublette, Basement, Torture, Killing et Severe Torture, c'est pour illustrer le Gatinecticut Death Fest qui a lieu dans une paire de semaines, début juin, dans le 45. C'est parti. plus proche de chez nous géographiquement, mais plus loin dans le temps. Le Ribfest 2024, la nouvelle édition, on en a pour l'instant que très brièvement parlé, parce qu'on a encore un petit peu le temps, hein. Ça n'arrive que le premier week-end de juillet. Le 5 et le 6, on a déjà présenté brièvement l'affiche et on aura l'occasion d'en parler un peu plus avec certainement une nouvelle interview de Emile dans les semaines à venir. On va commencer donc à illustrer ça tranquillou avec un groupe que j'ai bien hâte de découvrir sur scène, que je connais musicalement, mais que j'ai bien hâte de voir en vrai. Il s'agit de Fuming Mouth, groupe de Crusty Death qui nous vient des US, du Massachusetts plus exactement. Un de titres a vu le jour début mai. Voilà, pas vraiment un EP, hein, tout juste une démo single. Un morceau inédit enregistré durant les sessions du dernier album qui était sorti fin 2023 chez Nuclear Blast. Et une version alternative d'une compo figurant sur l'album sorti lui-même en 2023. Bon, c'est pas hyper excitant dit comme ça en termes de matériel, mais sur scène ça va probablement bien enculer. On est sur du Crusty Death, du hardcore HM2, comme j'aime, vraiment beaucoup fort. Donc voilà, on va s'envoyer les deux titres tout de suite maintenant pour un peu moins de 10 minutes de gras. Fuming Mouth, donc Delight Again, enchaîné à Timeless, extrait de ce petit EP tout juste, hein, intitulé Delight Again, également sorti chez Nuclear Blast, en promo du Ripfest, et on aura le temps d'en reparler dans les semaines à venir. Sur ce, excellente fin d'écoute à toutes et à tous, bonne fin d'émission. On se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle émission en direct. Ciao ciao.